le fond de l'horizon. Just look through your window. Look who sits outside. Little me is waiting. I'll wave my flag and shout, ah, beautiful baby. I was very lonely till I met you on Sunday. Give me your heart and I'll love you till Tuesday. Da da da da. Da da da da. Who's that hiding in the apple tree, clinging to a branch? It's only me, hoping for a little romance. If you lie beneath my shade, I'll keep you nice and cool. Ah, beautiful baby, my burning desire started on Sunday. Give me your love and I'll love you till Tuesday. Da da da da. Well, I might be able to stretch it till Wednesday. Thank you. should we powder our noses? Don't live for last year's capers. Oh, give me steel, give me pulses unreal. We'll build a glass asylum with just a hint of mayhem. We'll build a better whirlpool. We'll be living from sin, and we can really begin. He's savior, savior, sure. Thank you. Thank you. les yeux s'ouvraient pour le voir. Vous fiez à moi, je les déteste. Je leur tiens les têtes à tous. Mouchette. Mouchette. Mouchette. Mouchette. Mouchette. Thank you. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Radioactive, Lost in Space. À l'instant, nous avons eu Traum qui chantait Polaroid. Nous allons continuer ensuite avec Dead Can Dance pour le morceau Raki. Mais entre-temps, vous aurez quelques extraits d'un de mes cinéastes, auteurs, favoris, FJO 100, enregistré ici sur une émission de France Culture il y a quelques années maintenant. On va en parsemer comme ça plein de petits extraits. Allez, toujours bien calé sur le 100 FM, la soirée continue. Yeah. they swat him by breaking him snip off and snap. Can't think but make him and never grow back. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, donc c'était. C'était un choc, disons. Tout ce qui venait d'Angleterre, des États-Unis, avec les Ramones, les Pistols, Richard Hell, les Clash. Et donc. Il fallait faire quelque chose. We'll be right back. Joe, we're going to have your name on screen. Would you like anything under your name? Would you like Mescaleros, The Clash, or anything like that? I'd like you to write Punk Rock Warlord, with Warlord being one word. swing of the breeze. We're moving by the glass. The opportunity to leave is coming that fast. The situation has to cross my mind once more. And I decided I needed blues no more. C'est l'attente douloureuse du retour du soleil. We'll be right back. Oui, dire que j'ai été étonné, comme on a ressorti les textes de la revue 77, 18, 19, de voir la colère contre la durée sociale. C'est vrai que la nuit, la durée sociale se relâche. Il y a des points de passage, disons, vers des possibles, vers d'autres mondes, quoi. Puis c'est un renversement de l'ordre du jour, quoi. quoique j'aime beaucoup l'aurore, que ce soit en me levant tôt ou aussi bien qu'à la fin d'une nuit, l'aurore, ça m'a toujours perturbé, parce que c'est vrai que, de même quand on est dans une énergie de la nuit, quand le jour se lève, on rentre dans une interzone.

schwarz, schwarz. Schwarze, schwarze. Thank you. Oui, parce que j'avais vraiment une passion pour tout ce qui était mécanique. Et puis cet accident était devenu, donc mon destin était bouleversé. Thank you. je sais pas. Mais c'est vrai que j'avais eu cet accident, donc j'avais perdu connaissance. Et je me souviens vraiment de d'odeur d'essence, de réservoir coulé, puis une agitation, et puis je sais pas. Quelquefois un édulcorant, mais c'est vrai que ma vie a été différente ensuite. Je suis passé d'un seul coup dans une espèce de... Moi qui ne lisais pas tant que ça quand j'étais jeune, d'un seul coup c'était la poésie. Ça a été la poésie. Bien sûr, bon, je connaissais un petit peu Rimbaud, des choses comme ça, l'autre amant. Puis là, ça a été la découverte de Artaud. Et donc ce voyage organique de l'autre côté. Et puis donc j'ai commencé à écrire, à publier un petit peu. Des lettres, j'essayais d'écrire du théâtre, j'y arrivais pas. Parce que j'avais l'idée que l'idéal était d'être écrivain et acteur. Et puis ça s'est pas fait. Et donc, c'est entre correspondance comme ça, brutale, comme je dis, où le temps compte autant qu'on le tue quand on est jeune. C'est vrai que c'est quand même on est dans une grande instabilité. Et puis, souvent, on comprend exactement ce qui va se passer dans le reste de la vie. Et la difficulté de poser la tête à une place. Et puis, tout était quand même très ennuyeux pour nous, disons. Ces années 70, c'était quand même assez plombé. Et les fractions de ce qu'on appelait ensuite le punk, qui était finalement la suite de, comme on le voit, du Velvet, des Stooges, etc. Et au même moment, disons que j'ai créé un premier groupe de rock and roll qui s'appelait DDP, de la destruction pure, et en même temps une revue qui s'appelait la Revue C, qui était à l'époque j'étais à Toulouse, et donc le premier numéro sortait en 77, puis le deuxième a été consacré à Rodansky, Stanislas Rodansky. C'est sur ce Fire From Heaven des Good Missionaries, Good Missionaries groupe qui était à la suite de Alternative TV, donc le vrai premier côté post-punk américain, enfin pas américain, pardon, anglais, la nuit est bien avancée. Donc c'est sur ce Good Missionaries que s'achève Lost in Space, et Lost in Space qui va vous laisser tranquillement ce soir avec les programmes de la nuit de Radioactive qui sont toujours un émerveillement pour ceux qui les découvrent. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, en pleine forme si possible. Allez, bisous, bonne nuit, à dimanche.